Là, tu vois ou pas? Je vais comme ça. I. Voilà. Il y a un Nelson. I. Allez, ça, comment ça se fait pas? Je vais pas rigoler avec ça. Donnez ça à votre prof. Quoi? Kakoupé. Attends, montre. Tu imagines, on n'a pas la photo. On va dire c'est pas notre faute. La vie. La tête de Marielle. Arrêtez. Il s'est pas pris la photo. Non. Mais pourquoi que j'ai pris ça? C'était impressionnant. C'était rapide.